On va faire chauffer les marrons. Oui, on va faire chauffer les marrons. C'est une petite tarentelle que nous allons écouter. Et puis après, nous allons faire un voyage que vous découvrirez, bien évidemment. Chose promise, chose due. Je vous avais promis ce voyage. Eh bien, ce voyage va se faire par l'intermédiaire de Damien Poyard. Et c'est une rumba. Voyage à Tahiti. C'est un Charleston Fox, comme son nom l'indique pas forcément. C'est un Charleston Fox, comme son nom l'indique. Allez, c'est le moment de découvrir un peu, comment dirais-je, l'extraordinaire, puisque nous allons faire un petit voyage dans les nuages. C'est le titre de cette mélodie. Ah, c'est un petit passe-doble qui nous vient d'Espagne, juste la porte d'à côté. Un petit voyage. Dans mon petit bal rétro, c'est une valse que je vous laisse découvrir avec toute votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs.

valse, java. Voilà de quoi continuer cette belle ambiance sur le 91 et sur le 102.5 de Sorgia FM, votre radio locale. Vous êtes bien à l'écoute et vous êtes en compagnie de Guido. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Oui, un petit rappel, juste pour la Java qui va suivre. Tout cela, je vous sens quand même un tout petit peu fatigué. Oui, un tout petit peu fatigué. Alors, si vous le permettez, je vais vous programmer un tendre tango velouté et vous allez m'en dire des nouvelles. Thank you. là, je vous quitte pendant, presque 10 minutes. Oui, parce que c'est un slow, un medley de slow. Thank you. Alors, n'avais-je pas raison? Eh oui, c'est du pur bonheur, hein? Un pur bonheur que vous ne pouvez retrouver que dans cette émission du dimanche matin, mais aussi également le mardi matin, je vous le rappelle, c'est la rediffusion. Allez, on est parti avec Édouard Duleux pour la fin de cette première partie de l'émission. C'est fini. Allez, maintenant, on va passer à autre chose. On va revenir dans les souvenirs. Et c'est dans cette émission que je vous propose également le dimanche et le mardi, la variété française. Eh bien, nous allons débuter cette deuxième partie de l'émission avec Clo-Clo, Claude François. Eh oui, ça nous rappelle ces années-là. Déjà, les Beatles étaient quatre garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Quel choix d'être l'idole des jeunes pour des fans. l'oubli. Adieu à Marilyn, au cœur d'or, tant dit que West Side battait tous les records. Cette année-là, les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. C'est le même métier qui ce soir recommence encore cette année 62. C'était l'année 62. C'était l'année 62. C'est la digne fille de son papa, Charlotte Gainsbourg, qui nous interprète une superbe chanson, une magnifique chanson. L'un part, l'autre reste. Sont-ils chagrins dès qu'ils vous blessent?

Dieu, que c'est beau. C'est Daniel Balavoine qui nous le dit. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Mademoiselle Edith Piaf. Edith Piaf que l'on retrouve toujours, toujours et encore avec un immense plaisir. Au revoir mon cœur, ce n'est qu'un au revoir. proteggerai tu male, tu n'auras pas mes yeux pour mourir. Soleil d'or, tu marchais sur des trésors. On était vagabonds, on aimait les chansons. Ça finit dans la prison. Adieu. Merci, merci, merci Edith. Elsa Esnault reprend la suite avec tout simplement avec ceci. Dans la nuit, j'ai prié. J'avais pourtant tant de choses à te dire, des sentiments, des larmes et des soupirs, tous ces petits secrets que pour moi je gardais, en espérant qu'un jour on parlerait d'amour. Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu plus. on ne peut s'empêcher de faire un petit hommage à la bonne du curé, Annie Cordy. Mais ce n'est pas la bonne du curé qu'elle va nous interpréter, c'est Envoyer la musique. La, la, la, la musique est partout. Elle est là, elle tourne autour de nous. La, la, la, la, la, la, la, la, envoyez la musique. Jour et nuit, au tempo de son cœur, ma vie chante et s'éclate en bonheur. La, la, la, la, la, la, la, la, envoyez la musique. Écoutez la chanson de la rue, on dirait un final de revue. C'est bien, c'est bon, c'est beau. L'horizon, le ciel clair, la campagne ou le bord de la mer, la ville est loin et je l'oublie. Pourtant, j'entends le chant de la vie. La, la, la, la musique est partout. Elle est là, elle tourne autour de nous. La, la, la, la, la, la, la, la, envoyez la musique. Le matin, je me lève au chant du coq. Envoyez la musique, c'était donc Annie Cordy. Vous connaissez ma passion, oui, ma passion pour vous, les femmes. Femmes, je vous aime. Jean-Luc Lahaye. Femme, femme, simplement je te dis. Je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi. Femme, femme, je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Du néant, tu as fait un homme de moi. Silence autour, lumière caméra,

Allez, une petite balade du côté de la Méditerranée, du côté du Midi, s'il vous plaît, avec la ratatouille, la chanson des cigales. Cré, cré, cré, cré, cré. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Elles se grattent le dos, puis les ailes, elles se coiffent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Et pour un rien, elles se parlent, elles font marcher le bec. Au bout d'un moment, elles râlent, le gosier sec. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Et les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Allez, travaille, cigale, feignante, allez. La chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Elles n'ont aucune hâte, à part celle de chanter. Mais force est de constater qu'elles se déshydratent. C'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent, les doigts de pied en éventail. Aïe, aïe, aïe, aïe, oh, c'est la chanson des cigales, pendant que les fourmis travaillent. Les cigales, elles se régalent. Petit bain de soleil dans cette allez dans cette grisaille de la vie, ça nous fait pas de mal. Ricardo Cocciante, Richard Cocciante, un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup, je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur des sauteurs. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas.

continue. Malgré tout, tu sais, maintenant c'est passé. Mais au début, j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux. Mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent, ça va beaucoup mieux. Et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie. Ce serait merveilleux pour elle. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Les amis vont me questionner, certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Et oui, heureusement que ce n'est pas toujours le cas. Et Pierre Bachelet va nous le rappeler avec cette belle chanson « Quand un enfant viendra ». Moi, je ferai le tour de mon quartier pour annoncer son arrivée. Mon enfant est né, mon enfant est là, et je brûlerai la nuit une dernière fois, et les amis des jours d'éclat boiront à tomber quand l'enfant viendra. Mais j'irai dire aux hommes du monde entier, laissez-le grandir en liberté, laissez-le courir à nos genoux, laissez-le partir au bout de nous. Que jamais la guerre ne touche à lui, la drogue et le fer, la peur aussi. Quand l'enfant viendra poser sa vie dans ce lit de bois que j'ai fait pour lui. Devant ce bonhomme de rien du tout, serrant ses poings contre ses joues, je dirai merci à ma femme aussi. Mais tous les chants d'amour, toutes les chansons chanteront toujours à l'unisson, laissez-le grandir en liberté, laissez-le choisir sa vérité. Laissez-le grandir en liberté, laissez-le choisir sa vérité. Que jamais la guerre ne touche à lui, la drogue et le fer, la peur aussi. Quand l'enfant viendra poser sa vie dans ce monde-là qui n'est pas fini. Tous les chants d'amour, toutes les chansons chanteront toujours à l'unisson. Laissez-le grandir en liberté, laissez-le choisir sa vérité. Tous les chants d'amour, toutes les chansons chanteront toujours à l'unisson. Souvenez-vous, c'était en 1982. La chanson elle a pour titre Africa et c'est Rose Lawrence qui nous l'interprète. Son gris gris me suit au son des tam-tam, parfum de ma Simon Colliez, c'est un gars du Nord. Et oui, on l'entend pas beaucoup sur le 91. Encore que, il est pas mal. En fait, il est pas mal programmé. Et oui, il est pas mal programmé sur le 91. Et c'est avec lui que nous allons terminer cette émission. À la même heure, au même endroit, tous les jours elle vient s'asseoir juste face à moi. Comme tous les jours, pas changé, elle fera ses mots croisés jusqu'au prochain arrêt. Je resterai sans bouger, sans parler, tout simplement le plaisir à la regarder. Depuis des mois comme ça pourtant, si elle savait combien de fois j'ai attendu un mot, un sourire qui me laisse espérer. 200 fois j'ai répété les mots que je dirai le jour où j'oserai. Je m'en veux d'être aussi maladroit, parler d'amour, faire la cour, je ne sais pas. J'ai beau vouloir, je me sens idiot, j'y arrive pas. Comment lui faire comprendre? Mais comment faire pour la séduire? Je n'en peux plus de l'attendre. Mais comment faire pour lui dire? Je ne sais pas, ne trouve pas les mots pour ça. Le janvier, tous mes copains qui osent tous en complexe, qui n'ont peur de rien, comme j'aimerais leur ressembler, avoir la force, le courage, lui parler. J'ai beau jurer, me dire que demain, dès qu'elle arrive, dès qu'elle monte dans le train, je lui dirai, je ne dirai rien. Comment lui faire comprendre? Mais comment faire pour la séduire? Je n'en peux plus de l'attendre. Mais comment faire pour lui dire? Je ne sais pas, ne trouve pas les mots pour ça. Comment lui faire comprendre? Mais comment faire pour la séduire? Je n'en peux plus de l'attendre. Mais comment faire pour lui dire? Je ne sais pas, ne trouve pas les mots pour ça. Et c'est la fin de cette émission. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, la triomphant va de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche, ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu roules en Ferrari ou en Lamborghini, tu roules des épaules, tu te crois super drôle, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi, ah, ah, ah.